بسم الله الرحمن الرحيم من ذاك اليوم سندخل في سورة الأنفال سورة البدن بفضل الله تعالى واليوم المسألة 79 مسألة في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم dans la parole d'Allah dans le sens où il dit que seuls les croyants ou plutôt les croyants sont seulement ceux dont, si Allah est évoqué, leurs cœurs frémissent. Les cœurs frémissent. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند السماع ذكر الله من علامات المؤمنين وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالمنافاة بين التؤمنين ووجل القلوب ظاهرة. Donc ce noble verset démontre que le frémissement des cœurs lors de l'écoute du Coran est parmi les signes des mu'minines. Et un autre verset dans le Coran est venu montrant l'opposé de cela. Parce que là, dans le sens, il dit que les croyants sont ceux dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah Azzawajal. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah Azzawajal que se rassurent les cœurs. Donc il dit que l'opposition entre l'apaisement et le frémissement sont une chose apparente. Donc cela laisse apparaître comme une contradiction. قال الجواب عن هذا أن التؤمنين تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهب من الهدى كما يشير لذلك قوله تعالى وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. Donc il dit que l'apaisement justement des cœurs, il a lieu comment? Lorsqu'on entend Allah Azawajal et que cela, qu'on entend l'évocation du Tawhid. Le fait de connaître le Tawhid, cela rassure les cœurs. Et que le frémissement, lui, il a lieu du fait qu'on a peur de la déviance et de perdre la guidée. Comme Allah, dans le sens, il dit que les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur, comme on dirait, comme l'effet de la chair de poule, que ces peaux deviennent de la sorte, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah Azzawajal, ensuite, leurs peaux s'adoucissent et leur cœur s'apaise en entendant l'évocation d'Allah Azzawajal. Le verset démontre bien que la crainte d'Allah amène à quoi ? À ce que la peau fasse comme de la chair de poule. Puis, en écoutant l'évocation d'Allah Azzawajal, par la suite, les cœurs s'apaisent et les peaux s'adoucissent. Az-Zumar, verset 23. وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. La parole dans le sens où il dit Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Al-Imran, verset 8. وقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Et que ceux qui donnent de ce qu'ils ont reçu, leurs cœurs sont en frémissement ou frémissent. Du fait qu'ils savent qu'ils vont retourner vers leur Seigneur. Surat al-Mu'minun, les croyants, verset 60. Donc là, c'était le lien entre les versets qui démontrent la peur ainsi que l'apaisement. Que la peur a lieu par rapport au fait de craindre, de dévier et de perdre la guidée pour ses croyants. Et l'apaisement, le fait d'entendre le Tawhid et le Zalika. Également, la peur est expliquée du fait de penser au châtiment qui pourrait avoir lieu. Et l'apaisement de faute de penser à la récompense, c'est-à-dire être entre la peur et l'espoir, comme c'est le cas du croyant, comme cela vous le savez. Walhamdulillahi rabbil alamin.